Chant 9e. Cette pâle frayeur peinte sur mon visage, quand je vis sur ses pas, sans retourner de sage, fit rentrer dans son cœur le trouble d'un moment. Comme un homme écoutant attentif, il se baisse, car dans l'obscurité de l'atmosphère épaisse, ses regards incertains plongeaient malaisément. « Il faudra bien forcer le seuil qu'on nous dispute, » me dit-il, « ou sinon, quelqu'un s'offre à la lutte. » Ah, j'ai hâte de voir notre allié venir. Je vis bien qu'il couvrait par une autre pensée la phrase que d'abord il avait commencée, et que les derniers mots ne semblaient pas finir. Et d'un surcroît de peur, mon âme fut frappée. J'interprétais à mal sa phrase entrecoupée, et peut-être en tirais un augure trop noir. Jamais, lui demandai-je, en cette triste conque, a-t-on vu pénétrer maître, un esprit quelconque, condamné seulement à languir sans espoir ? Virgile répondit : Il n'est pas ordinaire qu'un des esprits du cercle où je vis puisse faire ce long et dur chemin que pour toi j'entrepris. Il est vrai que déjà dans ces lieux de misère, j'entrais par l'art maudit d'Éricto, la mégère, qui savait dans leur corps rappeler les esprits. Je venais de quitter ma dépouille mortelle, lorsque je dus passer par cette citadelle, pour tirer un esprit du cercle de Judas. Ce cercle est le plus bas, et c'est le plus funeste, et le plus éloigné de la sphère céleste. Va, je sais le chemin, ainsi ne tremble pas. Ce marais, d'où s'exhale une vapeur affreuse, enserre en ses contours la cité douloureuse, où nous ne pouvons plus entrer qu'en menaçant. De ce qu'il ajouta, j'ai perdu souvenance, car mes yeux m'entraînaient comme avec violence vers la tour élevée au sommet rougissant, où je vis se dresser, sanglante et meurtrie, trois larves de l'enfer, les hideuses furies. Ces monstres de la femme avaient les traits et l'air. Des hydres à leurs flancs se tordaient en ceinture, des serpents, des aspics formaient leurs chevelures, et tresser leur couronne à ces fronts de l'enfer. Et lui qui reconnut les suivantes cruelles de la reine qui trône aux douleurs éternelles. « C'est la triple Erinis, » me dit-il. « Vois-tu bien. Celle qui s'est dressée à gauche, c'est Mégère. Celle qui pleure à droite, Alecto. La dernière au milieu, Tisiphone. » Il n'ajouta plus rien. Elle se déchirait, le sein et la tête, et poussait de tels cris que moi, près du poète, je courus me serrer, de terreur tout saisi. « Viens !» du haut de la tour criait-elle ensemble. « Viens le changer en pierre, ô Méduse qu'il tremble, trop doucement Thésée autrefois fut puni. Tourne-toi, tiens tes yeux fermés, me dit le sage. Ne gorgone un instant si tu voyais l'image, tu ne reverrais plus la lumière des cieux. » Ainsi parla mon maître, et lui-même en arrière, il me fit retourner et fermer ma paupière, et de ses mains encore, il me couvrit les yeux. Vous, dont l'esprit est sain, l'intelligence ferme, découvrez la leçon que le poète enferme, sous le voile brodé des vers mystérieux. Et déjà j'entendais, sur l'onde dégoûtante, un immense fracas, un bruit plein d'épouvante, ébranlant les deux bords du marais nébuleux. Ainsi souvent on voit, avec un bruit sauvage, tandis que la chaleur irrite encore sa rage, le vent dans la forêt déchaîner ses fureurs. Il casse les rameaux, les abat, les enlève, il emporte avec lui le sable qu'il soulève, et fait fuir éperdu loups, brebis et pasteurs. Il découvrit mes yeux et me dit : Que ta vue plonge à présent là-bas, où plus sombre est la nuit, sur ces flots du vieux lac écumant et profond. Comme dans un étang, quand la couleuvre chasse, grenouille de s'enfuir en tous sens, puis en masse, se plonge dans la vase et s'entasse au fond. J'aperçus des milliers de ces âmes perdues, qui devant un esprit s'enfuyaient et perdues, sur le Styx à pied sec, ils s'étaient avancés. Ils marchaient. D'une main protégeant sa figure, de l'autre il écartait cette vapeur impure, seule importunité dont il parut lassé. J'eus vite reconnu le messager céleste, et mon maître vers qui je me tournais d'un geste m'invite à me courber sans prononcer un mot. Ah, quel noble dédain son visage reflète. Il arrive à la porte, avec une baguette, à peine il l'a touchée, elle cède aussitôt. Race d'esprit abject, chassée du ciel sublime, s'écria-t-il au seuil de cet horrible abîme. C'est une outrecuidance étrange dans vos cœurs. Osez-vous regimber contre cette puissance, toujours sûre du but qu'elle a marqué d'avance, et qui plus d'une fois augmenta vos douleurs. À quoi sert vous heurter au destin invincible? Votre Cerbère osa cette lutte impossible. Il s'y meurtrit la gueule et le cou, songez-y. Et par la voix immonde, il retourne en silence, sans nous dire un seul mot avec cette apparence d'un homme tout en proie à son noble souci, qui va sans remarquer personne sur sa route. Et nous, à cette voix, hors de peine et de doute, nous dirigeons nos pas vers la cité de mort. Nous entrâmes alors sans nulle résistance. Je brûlais de savoir quel genre de souffrance subissaient les damnés qu'enfermait un tel fort. Dans tous les sens, ma vue avide se promène. De tous côtés, je vois comme une immense plaine, couverte de douleurs et d'horribles tourments. Comme on voit dans Pola cette ville d'Istrie, que le Quarnero baigne aux confins d'Italie, ou dans Arles où le Rhône a des flots plus dormants. Les sépulcres épars faire saillir la terre, ainsi de toutes parts dans ce champ de misère. Mais l'aspect en était plus affreux, plus amer. Entre chaque sépulcre, un tourbillon de flammes s'élevait en brason ces tombeaux remplis d'âmes. Dans la forge rougie, moins brûlant est le fer. Les couvercles levés de ces tombeaux coupables ont laissé échapper des accents lamentables. C'était bien là le cri d'infortuné martyr. Et moi je dis, quel est maître, je t'en supplie, au fond de ces arceaux, la race ensevelie qui se fait deviner à ces dolents soupirs. Il répondit, ici ce sont les hérésiarques, avec leurs partisans tous et de toutes marques, et le nombre est bien grand de ces infortunés. Chaque tombe renferme ensemble mêmes âmes, et doit brûler de plus ou moins ardentes flammes. Il dit, et tous les deux, à droite étant tournés, marchions entre le mur et les pauvres damnés.